La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir l'arrivée à la télé ? Oh, bah, je veux voir qui est bien. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 11 novembre 2018. Il y a un bout de temps que je songe à une émission consacrée à l'artiste Bernard Bonnier, un pionnier de l'art sonore du Québec qui disparaît prématurément en janvier 1994. Puis, par un coup de chance inattendu, me revient à la mémoire cette performance de Bonnier au Centre Vue de Québec dans le cadre d'une exposition de photographie de l'artiste Richard Baillargeon. Une exposition intitulée Dorian qui relate le périple de Baillargeon en Égypte à la fin des années 80. Une exposition de photographies et de textes accompagnée d'un environnement sonore créé par Bernard Bonnier. Je vous propose donc ce soir une rencontre avec Richard Baillargeon qui a aimablement accepté de nous parler de cette aventure photographique et sonore avec Bernard Bonnier. Je remercie d'autant plus Richard qui nous permet ce soir d'écouter le travail sonore de Bernard Bonnier, réalisé pour cette exposition, une diffusion qui constitue ce soir un inédit rendu public et accessible pour la première fois sur les ondes radio. Alors, à propos de Richard Baillargeon, il poursuit un travail artistique depuis une quarantaine d'années, une démarche qui repose notamment sur la rencontre de l'image photographique et du texte. Ses œuvres et ses textes ont fait l'objet de plusieurs publications. Richard a participé activement, il faut le rappeler, à la fondation du Centre Vue au tout début des années 80 et s'est vu récompensé par de nombreux prix et bourses pour la qualité de son travail artistique. Richard a dirigé le secteur photographie du Banff Center dans les années 90 et il est présentement professeur à l'École des arts visuels de l'Université Laval. Comme je l'ai mentionné, cette collaboration qu'il va mener avec Bernard Bonnier à la fin des années 80 se réalise autour d'une exposition intitulée « Dorian ». Comme le raconte Richard Baillargeon, « Dorian » résulte d'un séjour en Égypte. L'œuvre est une mise en parallèle de l'univers du voyage et de celui du parcours introspectif. En plus d'un ensemble de grandes photographies disposées sur les 6 mètres, on retrouve dans l'espace d'exposition une petite table et sur celle-ci un album qui contient d'autres images ainsi que de courts textes. Une bande sonore composée par Bernard Bonnier est diffusée en boucle et environne les images. En 89, dans le texte présentant l'œuvre, Baillargeon dit ceci, et là j'ouvre les guillemets, « Creuser la distance qui sépare l'image photographique du réel dont elle découle. Étendre sur cette image de l'insaisissable, de l'intemporel. Quelque chose qui aurait à voir avec l'ailleurs, la marge, les résidus, tout ce qui fuit, précisément la surface du papier, évoquer l'inachevé, y ajouter des sons, des colorations musicales. Rien de trop précis, de trop défini, pour ne pas risquer de briser le tissu fragile des connexions, des accointances à trouver, à inventer. » Et là, je referme les guillemets, c'est Baillargeon qui parle. Alors, sans plus tarder, on écoute cette rencontre que m'a accordée Richard Baillargeon à propos de cette exposition environnée des sonorités de Bernard Bonnier. Richard, bienvenue à l'émission. Ça me fait très plaisir d'être ici avec toi. Richard, avant d'aborder cette collaboration avec Bernard Bonnier, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le contexte de la photographie à la fin des années 80, ou en tout cas au cours des années 80. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'esprit qui anime l'univers de la photographie à ce moment-là. Il y a déjà tout de même une trentaine d'années. Oui, bon, si on ne veut pas se perdre dans les méandres de l'histoire récente, peut-être dire que la fin des années 80, c'est un moment où c'est fort intéressant dans dans le sens qu'il y a véritablement une espèce d'éclatement des pratiques qui permet de faire avec l'image photographique, finalement, des explorations qui sont très diversifiées. Peut-être qu'il y a, il y a aussi beaucoup le rapport à l'intime qui prend davantage de place à cette époque-là. On a repoussé un peu la photographie à caractère documentaire pour donner davantage d'espace à d'autres types d'exploration, et en particulier cette idée du récit, hein, du récit photographique qui s'installe non pas dans un effort de linéarité, mais plutôt une exploration qui peut prendre diverses formes, diverses manières de conjuguer l'image photographique, non seulement avec le visuel, mais aussi avec le littéraire, ce qui est, dans mon cas, un axe aussi que j'ai voulu explorer dans mon travail. Richard, dis-moi, avant d'aborder Dorian en tant que tel, il y a tout de même des projets. Est-ce qu'il y avait des projets qui étaient comme un peu annonciateurs de Dorian dans la démarche qui précède ou dans les corpus qui précèdent le projet Dorian? Ben oui, en fait, on peut dire que mon travail photographique a été ponctué par l'idée du voyage. Alors, c'est resté, ou c'est un fil qui traverse mon travail depuis pratiquement ses débuts. On est fin, comme on a dit, fin des années 80. Ça fait déjà un petit moment que je roule avec mon exploration du médium photo. Et cette idée ce fil conducteur, en fait, du voyage, est déjà inscrit dans d'autres de mes travaux. Ce qui est particulier, peut-être, avec ce travail de Dorian, c'est la volonté de me mesurer, si je puis dire ainsi, à ce qu'on pourrait appeler l'exotisme. Et je pourrais ajouter aussi l'histoire, parce que ce travail qui s'intitule Dorian, qui va se faire lors d'un voyage en Égypte, est une sorte de relecture, d'une certaine façon, de d'autres types de productions photographiques qui ont marqué d'ailleurs la photographie au moment même où celle-ci apparaît comme moyen d'information, comme moyen aussi de rapport, outil qui permet un rapport singulier au réel. Si tu veux, Richard, on va, comme il est question ce soir, de cette bande-son qui accompagne Dorian, réalisé, créé par Bernard Bonnier, on va entendre un premier extrait du travail de création de Bernard Bonnier. Thank you. Richard Dorian, c'est ce projet artistique qui est accompagné à la fois d'images, mais aussi d'une création sonore de Bernard Bonnier. Il s'agit d'un voyage que tu réalises en Égypte, un peu à la manière des grands explorateurs photographiques. On pense à Jolie de Lobinière ou Maxime Ducamp. J'aimerais que tu nous parles de l'émergence de ce projet. Comment ça émerge, ce projet intitulé Dorian? Ben, ça vient du fait que je voulais faire une sorte de relecture du paysage et aussi de me confronter à un univers qui avait été fortement exploré, je dirais, par la photographie. Alors, il y a comme un côté un peu, comme je disais, d'une relecture de ces explorations qui avaient été faites avec la photo. Il y a aussi l'idée que l'Égypte, pour les Occidentaux, c'est déjà un paysage connu, c'est-à-dire qu'il y a une imagerie qui est assez abondante, qui existe à la fois dans le réel, c'est-à-dire dans les livres, etc., mais il y a aussi tout un imaginaire qui a été construit, que l'on s'est construit à travers des représentations de l'Égypte. Moi, quand j'étais gamin, j'ai été en contact avec ces représentations de l'Égypte à travers Hergé, les aventures de Tintin qui nous amènent dans l'Égypte. Il y a aussi National Geographic à travers moult documentaires qui a procuré tout un paysage connu. Et ce qui m'intéressait de faire, c'était un peu de voir, de me mesurer à ce paysage connu, mais de penser que j'allais le faire aussi dans le contemporain, c'est-à-dire avec la réalité davantage de ce moment où je fais ce voyage. Richard, dans Dorian, en lisant les textes qui accompagnent l'exposition. Il y a tout ce volet introspectif. J'aimerais que tu m'en parles un peu de cet aspect-là. Est-ce qu'il est dans la couleur du temps ou s'il est lié à des préoccupations plus autobiographiques ou personnelles? Ben, c'est effectivement dans l'écriture qui accompagne ce travail-là, en fait, qui accompagne, qui fait partie comme tel de cette œuvre-là, il y avait la volonté de justement ramener cette expérience-là et de lui donner la couleur, je dirais, de comment elle se manifeste en regard des lieux, en regard des personnes, en regard de cette, je disais, expérience comme telle du voyage. Et au moment où je fais ce voyage, je tiens un journal personnel où je raconte, je fais état de ce qu'est le fait d'être là-bas, puis en même temps d'être... Alors, c'est de ramener quelque chose qui est de l'ordre du ressenti et dans un deuxième temps, de le travestir, ce ressenti-là, parce que le récit qui prend forme dans les mots, il est à la troisième personne, donc c'est un « il » dont il est question, comme s'il y avait une sorte de fictionnalisation de ce qu'est le voyageur et de son expérience dans ces lieux dits de l'exotique, si on peut dire. Richard, Dorian, c'est cette collaboration avec Bernard Bonnier, le musicien, le compositeur sonore. J'aimerais qu'on aborde cette rencontre. Comment se produit cette rencontre et comment se développe cette collaboration avec Bernard Bonnier? Ben, c'est venu de à travers des amis communs qu'on a d'abord fait connaissance et qu'on a échangé sur ce que l'on faisait de façon chacun de notre point de vue, comment nous travaillons, lui le son, moi l'image, on a échangé, on s'est trouvé aussi des points de convergence. Et lorsque j'ai fait cette exploration photographique, au départ, il n'avait pas été question d'y mettre nécessairement un volet sonore. Et c'est au retour de ce voyage, je retrouve Bernard Bonnier, on échange, je lui ouvre une porte en lui disant, ben, est-ce que ça serait pas intéressant de travailler ensemble à l'élaboration d'une couche sonore qui viendrait accompagner le travail lorsque celui-ci est en exposition. C'est à partir de là que Bernard Bonnier et moi avons exploré cette idée de ajouter au dispositif visuel, y ajouter un dispositif sonore. Richard, comment s'est développée la collaboration? Quel était le processus? Ça a été un va-et-vient de réflexion commune? Oui, ben en fait, j'ai d'abord évidemment partagé avec Bernard les images qui avaient été produites lors de ce voyage, et je lui ai aussi communiqué les textes que j'avais élaborés, et Bernard a été intéressé à cette idée de l'exotique aussi que procurait le fait d'être en Égypte. Ce qu'il s'est intéressé à faire, à sa manière aussi, c'était de revoir un matériel sonore qui était emprunté, si on peut utiliser ce terme-là, c'est-à-dire revoir des musiques qu'on pourrait appeler ethniques, s'approprier ce matériel-là, le transformer et lui donner une couleur tout à fait particulière. Et ça, c'est ce travail de création qui le fait justement de retourner donc à des environnements sonores connus, à des musiques, je disais, des sonorités empruntées à l'univers ethnique, des musiques du Moyen-Orient, de la Corne de l'Afrique, etc., et de convoquer ce matériel-là, de l'organiser avec ce qui était aussi ces traitements séquentiels, ces traitements de sonores où il réintervenait sur ce matériel-là, le restituait d'une autre manière. Richard, on va écouter un extrait une des bandes, sinon deux des bandes produites par Bernard Bonnier pour cette exposition intitulée Dorian. Thank you. particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. Alors voilà, la croche-oreille se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1 en seconde partie d'émission. J'en profite pour vous rappeler que vous pourrez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y trouverez le descriptif de l'émission, nos partenaires, ainsi que toutes les émissions en balado-diffusion pour écoute immédiate ou en différé. Et cela dit, on poursuit l'échange entamé en première partie d'émission avec Richard Baillargeon à propos de cette exposition de photographies et de textes intitulée « Dorian », une exposition qui était environnée, colorée par un univers sonore créé par l'artiste sonore Bernard Bonnier. « Dorian » était présenté au Centre-Vue de Québec sur la rue Dalhousie à l'époque en 1989 et Bernard Bonnier performait ce soir-là sa création en direct durant le vernissage. Pour vous parler un peu de Bonnier, eh bien, on le considère comme un visionnaire de la musique électroacoustique. Il a été l'assistant du compositeur français Pierre Henry, travaillant alors à l'occasion avec Maurice Béjart. Et il s'affirme au début des années 70 comme l'un des compositeurs québécois les plus avant-gardistes. Au cours de sa carrière, il a composé plusieurs œuvres pour petits ensembles et grands orchestres, dont trois histoires de quelqu'un sur une planète. C'est créé par et pour l'Orchestre symphonique de Québec en 90. Parmi d'autres titres marquants, je retiens l'œuvre créée pour le poème de Francine Lalonde intitulée « Métaphore pour un nouveau monde », une pièce qu'on a fait jouer en début de saison. Bonnier a orienté sa création de manière à combiner le théâtre et la musique autour d'une cinquantaine de productions, dont quelques mises en scène de Robert Lepage et de Jacques Lessard, fondateur du théâtre Repère. En 1989, Bernard Bonnier a cofondé avec Linda Lee la compagnie Pluramuse, se donnant comme mission l'intégration de recherches sonores et théâtrales. Pour le rappeler, Pluramuse fera partie des organismes fondateurs de la coopérative Méduse. Comme on peut le lire dans de nombreuses bios, Bonnier aimait dire « Je suis d'une nouvelle génération de créateurs dont je ne sais pas encore si nous serons plusieurs. » Alors Bonnier, oui, il y a maintenant beaucoup de créateurs sonores et on s'en réjouit. Alors voilà, poursuivons ensemble cet entretien avec Richard Baillargeon qui m'a accordé cette rencontre autour de sa collaboration avec Bonnier et qui m'a donné accès aux pistes sonores que Bonnier a réalisées autour de cette exposition de photographies et de textes intitulée « Dorian ». Thank you. Richard Dorian, c'est un corpus de photographies, c'est des textes qui sont présentés au public et c'est un univers sonore. Donc, comment s'organise tout ce dispositif, parce que c'est la terminologie qu'on utiliserait aujourd'hui pour parler de cette expo. Exactement. Le dispositif qu'on a imaginé à cette époque-là avec Bernard, c'était d'une part de vouloir rapprocher les sonorités, les sons, l'environnement sonore, de le rapprocher des images. Alors, on a fait ça d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que Bernard avait produit des segments sonores et on a dissimulé derrière les images des haut-parleurs. Et il y avait une douzaine de haut-parleurs qui étaient dissimulés derrière des grandes images qui étaient sur les simèzes. Et chaque image avait un segment spécifique. Alors, il y a un truc, si on peut dire, de passage d'une image à l'autre. Et dans ce passage d'une image à l'autre, on avait aussi des couleurs sonores qui étaient changeantes. Dire aussi qu'au centre de ce dispositif-là, sur une petite table, il y avait un album. Et un album dans lequel on retrouvait d'autres images, plus petites, celles-là, et les textes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce sont de courts textes, rien de très, très long, quelques mots seulement. Et pour cette table-là, on avait imaginé, Bernard avait imaginé, d'autres sonorités. Alors, il y avait pour l'album comme tel, une piste sonore qui proposait cette fois-là, à l'inverse des sons qui étaient diffusés derrière les images, des images sonores qui tient davantage à un train, des sons qui étaient rattachés davantage comme tel à du réel, à du concret, qui était le propre du soleil, du travail. Et ça donnait une autre couleur à l'ensemble. C'est pour ça que cette idée du dispositif était extrêmement importante dans la façon de mélanger comme tel, de faire en sorte qu'il y ait une rencontre très, très serrée entre images, textes et sonorités, sons, construction, sons du réel, etc., qui venaient former, un peu à la manière de la photographie d'ailleurs, et de sa transposition, si on peut dire ainsi, de l'univers du voyage. Alors, c'est un voyage qu'on proposait aux spectateurs qui pouvaient prendre le temps de déambuler dans le dispositif qu'on avait imaginé pour la présentation. Thank you. Richard, pour conclure cet entretien autour du projet photographique et sonore d'Orient que tu réalises avec Bernard Bonnier, qu'est-ce que tu retiens de ce projet-là 30 ans plus tard? Bon, Bonnier est disparu, c'est tout de même un pionnier, un artisan de la création sonore. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de marquant dans ce travail-là, dans la poursuite de ton travail photographique? Quelles sont les images fortes que tu retiens après tout ce temps? Ben, je retiens d'abord Bernard Bonnier, la personne, l'artiste, d'avoir passé des moments avec lui à échanger, à le voir travailler aussi et à être à quelque part aussi très intéressé par la suite à explorer ou tenter d'explorer ce matériel-là. On avait convenu d'une sorte de suite. Bernard Bonnier, à cette époque-là, était très intéressé aussi par l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Moi-même, j'avais exploré aussi ce champ-là. On devait possiblement se retrouver autour d'une exploration commune qui allait être plus spécifique. Et évidemment, Bernard Bonnier est décédé très subitement en 92, si ma mémoire est bonne. À ce moment-là, évidemment, ça s'est arrêté. Mais, pour dire aussi, cette idée aussi d'une création à deux voix, ça m'a beaucoup aussi, c'est quelque chose de très fort qui reste de cette exploration-là avec cet artiste. Donc, le travail est quand même remarquable à bien des égards. Richard, ça a été une rencontre vraiment intéressante. Je tiens à te remercier infiniment. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi de cette invitation. des images qu'il fixe, des morceaux, des bouts de rien, la surface des choses, le glacis des apparences. Alors ainsi s'achève cette rencontre avec Richard Baillargeon à propos de cette collaboration avec Bernard Bonnier. Je vous propose qu'on écoute pour terminer une pièce de Bonnier tirée d'une compilation lancée en 1984 et nommée Casse-tête. C'est publié désormais sur le label Oral depuis 2008. Une pièce intitulée Véro la Toto, parue en 79. Vous allez voir, ça n'a pas vraiment vieilli.